L'homme aux plus petites lunettes du monde ne voyait rien sur les côtés, car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Il a fait de petits verres, cul de bouteille pour voir moins court, qui le suivait depuis l'école primaire. Miro un jour, Miro toujours, ses deux fenêtres le rendaient sage. Puis sur le monde en dépoli, sa petite planète comme un village, chemin de traverse et raccourci. L'homme aux plus petites lunettes du monde ne voyait rien sur les côtés, car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Naviguait, les confusions animaient sa vie. Quand son passé trouble rattrapait, il clignait des yeux, fronçait des sourcils. Dans son avenir, en clair obscur, on y devinait comme une envie de partir loin à l'aventure, pour y voir clair sans le souci. L'homme aux plus petites lunettes du monde ne voyait rien sur les côtés, car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. L'air ajustant par devant, par derrière, à moitié tic, à moitié toc. Un jour c'est sûr, il cassera sa pipe, à cause ou pas de sa vision réduite. Pas d'épitaphe sur une tombe en granit, juste ses lunettes toutes petites. L'homme au plus lunettes du monde ne voyait rien sur les côtés, car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords. L'homme aux plus petites lunettes du monde ne voyait rien sur les côtés, car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords, trouble à côté. Car encerclé comme la terre est ronde, flou sur les bords.